bien prêt à payer la vraie de ce qui se paye en Abitibi. Oui, ça, je suis bien d'accord. Même plus un peu, si ça me dérange pas. Mais pas aller à 83 000 $. Je vais avoir son opinion à lui avant de donner la mienne.